cosa mi stanno a pensare. Cacchia cosa mi stanno a rombare. Bokila Lokondo, Frecom, Ogolia Vie, Luca Retroviseur Review, Naclax Toa Boatou. Mulingo soke koti zamba kumote meza nini kosofe ya kutala mote maya moto linga kasuki la tele. Luca pe chambra ere pine ya tre, na trike ya batona bidua fufu. Ah, Patrick Egoini. Pitié, pitié de ma yuta teka yes, mon est transféré à l'IOA. L'écologiste à la rame, on n'a pas changé de destination. La tane comme une musique, tout le monde qui n'a qu'il s'en sou. Projet au sol à qui te colis à bain, un homme qui me soupira n'a eu à teke bouillou. N'a comme un colis à, n'a comme un colis à, n'a comme un colbanza, n'a comme un colis à. N'a salami, n'a eu. Frédéric et Boy. Marie Suzanne Ndole. Como la pasité a coño coro con manto loco fue los anavirutitana. Si la paraza coco grande ya tu se catacana. Yo toco un mirano un pasi. Gana salir. Patri que yo. Winner Classic in Kampala. Nandimina la tomba chapere. Nandimina la tomba chapere. Nandimina la tomba chapere. Gisèle Kadima. Tout le monde n'a pas de douce. Popo et P. On a douce douce. Tout le monde n'a pas de douce. Patrick Boy, on a douce douce. J'aime Malenga. J'aime Makwa, le grand pétrolier. Guillaume Sengé. Chérie, à toi, ma goutine à l'ira. Voilà comme un coup d'inandila, bébé a comme un coup d'inandila, sans elle qui. Raoul Ominga. Comme ma sainte. Jean-Marie Lokanga, Jean-Marie Mondele, Alain Filini. Chérie, à cause de mes amis. Le secret à Brazza. Tout le monde. Aubin Miracle. Chantal Luemba, Patrick Ebayo, Kanagadi, Ted Sendai, Kanagadi, Lucien Ibata, vraiment de mon Kanagadi, tout le monde. Il a le condom de l'ito du fila. L'orchestre et l'onguin joku et fa fengola kukaka. Bijou guitare. Eric Noble. Rick Mompi. Le Diego Champion. Club Cléopâtre à Wendé. Awanja, le conseiller spécial. Sylvanie. Gaïa, Joseph Mille Lonsenet, William Baïde Jerka, Blanchard Londolé, Marie-Christine Pepa, MCP, Salut, j'étais à Milan à Kantilati.